passé qui brillait sans bruit. Et peut-être c'est ça, dernier sermon, juste un râle dans un vieux canon. Frappez vos mains, mais pas pour prier. Dansez sur les cendres, pas pour oublier. Y a plus de sel que des types comme moi. Et la voix qui s'élève, c'est juste ma voix. Forevermore. Aucune ruine pourra éteindre les histoires que nos voix atteignent. Nous marchons ensemble, côte à côte, à travers terre brisée, nos trous. Dans chaque cœur, la flamme reste témoignage au-delà des gestes. Au-delà.